بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا يا الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini dans ce projet qui est une collaboration entre mon humble personne et mes frères de Ahlus Sunnah wal Jama'a de la ville de Montpellier, hafizahumullah jami'an. Donc, on a commencé, walil alhamd, il y a de cela donc plusieurs mois, l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, dans les explications qu'il a prodiguées concernant l'épître Thalathat al-Usul. Donc, nous sommes toujours dans le Asl Awwal, et donc nous allons aborder un verset important. C'est un verset qui est le premier ordre dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran, comme les ulama l'ont expliqué, les sourates qui sont dans le Coran ne sont pas agencées dans le Coran d'une manière chronologique. C'est-à-dire que la première sourate qui a été révélée n'est pas sourate al-Fatiha. La dernière sourate qui a été révélée n'est pas sourate al-Nas. Le Coran est constitué de 114 sourates et la première d'entre elles est sourate al-Fatiha et la dernière d'entre elles est sourate al-Nas. Et donc, lorsque l'on lit le Coran dans l'ordre dans lequel il est présent et disponible et accessible pour nous, le premier verset qui comporte un ordre, c'est le verset de Sourate al-Baqarah. Et cette méthodologie-là dans le Coran, on va l'aborder bi-idhnillah tout à l'heure. C'est une méthodologie dans le Coran qui consiste à lier la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa uluhiyya. C'est-à-dire, si tu reconnais qu'Allah Azzajal existe, qu'Allah est le Seigneur de l'univers, qu'il donne la vie, qu'il donne la mort, qu'il gère l'univers, qu'il est celui qui est le Créateur, le pourvoyeur de la subsistance, le détenteur de la royauté absolue sur toute chose, ayant le contrôle et la gérance sur tout ce qui existe, forcément c'est lui que tu vas adorer. Car si tu venais à adorer quoi que ce soit qui ne serait pas Allah, alors ça veut dire que tu adores une créature qui a eu besoin d'Allah pour exister, aussi déficiente que toi, et dans le besoin vis-à-vis d'Allah. Et cette méthodologie-là, on va la retrouver dans le Coran. On va la retrouver dans le Coran et dans le cours d'aujourd'hui. Avant cela, il y a le verset de Sourate Al-A'raf, que l'on va étudier ensemble, concernant la création des cieux et de la terre. Et ça, ce sont des notions relatives à la Rububiyya. Allah Azza wa Jalla dit, et c'est la parole du Musannif, c'est-à-dire que le Musannif a cité le verset du Coran, le verset de Sourate Al-A'raf, le verset 54, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, « Inna Rabbakum Allah » الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc le verset qui a été mentionné dans l'épître mentionne إن ربكم الله. Certes votre Seigneur est Allah. الذي خلق السماوات والأرض. Celui qui a créé les cieux et la terre. Fisittati ayyamin, en six jours. Thumma stawa ala l'arsh, puis s'est élevé au-dessus du trône. Yorshi l'aylan wa nahara yatlubuhu. C'est-à-dire que la nuit couvre donc le jour, et la nuit et le jour se poursuivent mutuellement. Hathithan, yani de façon rapide. Wa shamsa wal kamara wa nujuma musakharatin bi amri. Et le soleil, la lune et les étoiles sont soumis, yani assujettis à son ordre. À lui appartient l'ordre et le commandement, glorifié soit Allah, le Seigneur des mondes. Cheikh Ubayd al-Jabri explique dans son explication la partie du verset qui dit Inna Rabbakum Allah. Certes, votre Seigneur est Allah. Il dit Bayanna ma'na Rabb, qabla qalil. Il a dit nous avons expliqué le sens du mot Seigneur. Et pour le rappel, on avait mentionné une faïda de notre Cheikh Khalid al-Dhafiri, il me semble, concernant le terme Ar-Rab wal-Ilah. Ça fait partie des asma, idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. C'est-à-dire, ce sont deux mots qui ont une relation particulière, comme le mot Islam wal-Iman, ou Fakir wal-Miskin, ou Bir wal-Taqwa. S'ils sont mentionnés conjointement, chacun d'entre eux a un sens qui lui est propre, qui lui est spécifique. Et s'ils sont mentionnés de façon indépendante l'un de l'autre, alors chacun des deux englobe le sens de l'autre également. C'est-à-dire, lorsque le terme Ar-Rabb et le terme Ilah sont mentionnés dans un contexte commun, Ar-Rabb renvoie à la seigneurie souveraine. Et l'Ilah renvoie au droit exclusif à l'adoration. Mais quand le Seigneur est mentionné tout seul, ça renvoie à la notion de seigneurie et la notion d'adoration exclusive. Il prend le sens d'Al-Ilah en même temps. Je vous donne un autre exemple avec Al-Islam ou Al-Iman. Al-Islam ou Al-Iman, quand ils sont mentionnés conjointement, comme dans le hadith de Jibril, Al-Islam renvoyé à quoi? Aux actes extérieurs. Et Al-Iman renvoyé à quoi? Aux actes intérieurs, la foi. La foi en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, et ainsi de suite. Mais quand l'Islam est mentionné tout seul, il englobe les actes extérieurs et les actes intérieurs. Et l'Iman, lorsqu'on le mentionne tout seul, il renvoie aux actes intérieurs comme la foi, mais aux actes extérieurs, car les actes font partie de la foi. Taïb. Donc, bayanna ma'na ar-rabb qabla qalil. Donc, nous avons, il y a peu de temps, mentionné et en clarifié le sens du mot ar-rabb. Lakin fi al-ayati umurun jaddat alayna lam numayyinha salafan. C'est-à-dire que dans ce verset-là, il y a des choses qui méritent d'être clarifiées, qui méritent d'être expliquées, dont nous n'avons pas fait la clarification précédemment. وَهِيَ مَا نَصَبَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ. C'est-à-dire dans ce que Allah a établi dans ce verset-là, comme mention d'éléments qui sont des preuves prouvant son unicité. فَأَرْجُو تَأَمَّلَ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ. Donc j'espère que vous serez attentif, vous observerez avec minutie ces arguments, ces preuves qui prouvent le fait qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré exclusivement. Le premier argument, الأول, خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Le fait qu'il ait créé les cieux et la terre en 6 jours. هذه ستة بينت في موضع آخر. وهو في سورة فصلت. C'est-à-dire concernant ces 6 jours dans lesquels Allah Azzajal a accompli la création des cieux et de la terre. Il y a eu un détail qui a été mentionné dans un autre endroit du Coran, dans Surat Fussilat, le verset 9 à 12. Dans ce passage-là, Allah donne plus de détails concernant ce sujet-là. Donc, je m'en vais directement lire la traduction de ce passage. La traduction en français du sens de ces versets, c'est dit renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Et lui donnerez vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré et mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche par des lampes. Il y a ce qui est voulu par les lampes ici, Mansoabir, c'est-à-dire les étoiles. Et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Taïb, dans ce long passage, donc, il y a eu un tafsil sur la création des cieux et de la terre. Cheikh Ubayd al-Jabri explique ce verset en disant Yomani khalaqa fihim al-ard. Donc il y a eu 2 jours dans lesquels Allah Azul créa la terre. وَيَوْمَانِ خَلَقَ فِيهِمَا السَّمَاءِ. Et 2 jours dans lesquels Allah Azzal a accompli la création des cieux, du ciel. وَيَوْمَانِ كَانَ فِيهَا بَقِيَّةُ الْمَخْلُوقَاتِ. Et 2 jours suivants dans lesquels survint la création du reste des créatures. وَاللَّهُ قَادِرٌ أَنْ يَخْلُقَهَا جَمِيعًا بِكُنْ فَتَكُنْ. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que Allah Azzawajal a créé ces créatures en 6 jours. Ces créatures qui ont été mentionnées précédemment en 6 jours. Mais Allah Azzawajal, comme Cheikh Ubayd al-Jabri le spécifie, et c'est la croyance de Ahlus Sunna, le fait qu'Allah est capable de créer toutes ces créatures en un instant. Il n'a qu'à dire kun, c'est-à-dire soit, yani soit, et la créature qu'il veut créer existe. Il n'a qu'à lui donner l'ordre. Fa'ida. Cheikh Rabi' al-Madkhali, dans son explication de Sharia Adel Ajurri, a dit que le fait qu'Allah il crée avec Kun, Kun c'est sa parole. Le Kun, c'est son ordre. Et c'est un ordre qui fait partie de sa parole. C'est une réfutation au fait que de dire que le Coran est créé. C'est-à-dire, si la parole d'Allah est créée, comme le prétendent les Mu'tazilites et les Jahmites, la première créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça aurait été sa parole. Car la première créature qu'Allah a créée, il l'a créée par l'ordre de Kun, Fayakun. Et les ulémas ont divergé entre est-ce que c'est le trône ou est-ce que c'est le qalam qui est la première création. Si c'était la parole d'Allah qui était créée, ça aurait été elle qui aurait été désignée dans les textes comme étant la première des créatures. Non. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave, Inch'Allah, cette faïda, elle reviendra, Inch'Allah, dans les cours à venir. C'est certains frères qui sont plus avancés que vous, parmi vous, que je vise. Barakallahu fikoum. Taïb. Donc ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri dit, Qala ahlul ilm. Donc les gens de science ont dit, Inna Allaha yu'awwidu 'ibadahu bi hadha at-tariq ila at-ta'anni wal-hikmah li'annahu la ya'jaz. Donc le fait qu'Allah Azzawajal ait créé les cieux et les terres en 6 jours, il est tout à fait capable de les créer en un instant. Et les gens de science ont expliqué qu'en agissant de cette manière, c'est-à-dire en procédant à la création des cieux et de la terre en plusieurs jours, c'est des leçons pour nous, dont tire nous des leçons, par lesquelles Allah Azzawajal nous habitue à agir avec, yani, pondération, entre guillemets, de faire les choses bien, d'agir avec prudence et minutie, et avec sagesse. Donc nous, on tire un enseignement dans cette manière d'agir-là. Le fait de faire les choses correctement, en prenant notre temps, en les faisant bien. Cependant, Allah Azzawajal n'est pas réduit à l'impuissance. Allah Azzawajal est capable de créer ce qu'il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, concernant les 6 jours, وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِقْدَارُ سِتَّةِ أَيَّامٍ. Donc les gens de science ont expliqué que donc, concernant cette durée de 6 jours, لِأَنَّ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَامَةُ اللَّيْلِ وَلَا عَلَامَةُ النَّهَارِ لَكِنْ نَحْنُ نَقُلْ سِتَّةُ أَيَّامٍ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْتَجِ إِلَى مِقْدَارٍ نقول 6 أيام كما قال الله تعالى وهو يعلم سبحانه وتعالى أن الليل ينتهي بحد والنهار ينتهي بحد 6 أيام كما قال. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabri, il explique que concernant cette durée, la création des cieux de la terre en 6 jours, mais durant la création des cieux de la terre, le jour et la nuit, ils n'existaient pas encore. Pourtant, on a calculé cette portion de temps en jour et en nuit. Taïb. Alors qu'il n'y avait pas encore les signes dans le ciel, etc., d'un jour qui passe, d'une nuit qui passe, etc. Mais on dit comme Allah a dit. Et Allah n'est pas délimité à une période de temps spécifique. Il nous a informé que ça correspond à 6 jours. Et donc on dit ce qu'Allah a dit. Bien que les jours et les nuits n'existaient pas encore exactement à cette époque-là. Les jours et les nuits ne passaient pas encore. Mais on sait que comme Allah nous a informé que ça s'est passé en 6 jours, on mentionne ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabri dit que donc, cette création qui est immense, qui est ébahissante, yani, qui est incroyable, et qui est créée avec une précision hors du commun, yani, mutqan, c'est-à-dire que ça a été créé avec une minutie et une perfection abouti. Oujida fi hadhihi 6 ayyam. Donc ces créatures-là, comme les cieux, la terre, etc., ont été créées donc en 6 jours. Wa huwa qadirun an yujidahu kalamhin bil basar. C'est-à-dire que Allah Azzal, bien qu'il les ait créés en 6 jours, il est capable de les créer en un instant, en un clin d'œil. Le temps d'un clin d'œil, ces créatures elles existent. Wa ma amruna illa wahida kalamhin bil basar. C'est-à-dire que Allah Azza dans ce verset fait référence au fait qu'il n'a qu'à ordonner et en un instant, ce qu'il ordonne est, s'accomplit. Kalimatun wahida la yukarriruha. Allah n'a qu'à prononcer un mot. Il prononce une parole et il n'a pas besoin de la répéter. Wahiya kun. Donc le fait qu'il dit soit, c'est-à-dire que quand il veut créer quelque chose, subhanahu wa ta'ala, il dit à Allah, yani il dit soit, ma yahtaju ila tikrariha. Kuni samaan wa ardan yakunu kadhalik. Il dit, yani aux cieux ou à la terre, yani soit existe, yani venait à l'existence, et ces créatures-là, dont il a voulu l'existence, sont amenées à l'existence. Athani thumma stawa. وهذا دليل على أن الاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض أما خلقه العرش فهو قبلهما بخمسين ألف سنة. Donc Cheikh Ubayd al-Jabiri aborde la partie du verset qui dit ثم استوى, puis il s'est élevé. Il dit ceci est une preuve que l'istiwa, l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, a eu lieu après la création des cieux et de la terre. Mais quant à sa création, c'est-à-dire la création du trône au-dessus duquel Allah s'est élevé, فَهُوَ قَبْلَهُمَا بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. La création du trône d'Allah Azzawajal a eu lieu avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans auparavant. 50 000 ans avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre, Allah a créé le trône. Et comme les ulémas l'ont mentionné, le trône, Al-Arsh, c'est سَقْفُ الْمَخْلُوقَاتِ, c'est le plafond des créatures. C'est-à-dire que c'est la créature la plus immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la plus haute des créatures. Au-dessus, il n'y a pas d'autre créature. Non. Et donc il est le plafond du paradis. En dessous du trône s'écoule de l'eau qui s'écoule dans le paradis. Qu'Allah me l'accorde ainsi que vous. Taïb. Thumma istawa ala l'arsh. Donc, puis il s'est élevé au-dessus du trône. Le terme istawa, il dit bima'na ala wartafa'a. C'est-à-dire, donc dans le sens, il s'est élevé. Il s'est élevé. Hada hu ahadu ma'anin thalatha ja'at fil Qur'an bima'na l'istiwa. Donc ce sens-là, le sens de l'élévation, c'est un des sens, un des trois sens qui sont venus dans le Coran pour le mot, de la notion de l'istiwa. Il dit وَمَوَادِعُ أُخْرَى شَبِيهُهُ وَالْمَعْنَيَانَ الْآخَرَانَ قَصَدَ وَاسْتَقَرَّ. Donc dans le Coran, le terme istiwa, il est venu avec trois sens. Le sens عَلَى وَارْتَفَعَ, c'est-à-dire le sens de s'élever, السعود. Le deuxième sens, c'est قَصَدَ, le fait de d'avoir une volonté, de décider quelque chose, de vouloir faire quelque chose. Wastaqarra, c'est le fait de s'établir sur quelque chose. S'établir sur quelque chose ou s'établir, tout simplement. Ça, c'est les trois sens que revêt le terme istiwa dans le Coran. Il dit faqasada, donc le sens de l'istiwa comme ayant le sens de la volonté, yani décider de faire quelque chose, ou d'avoir la volonté de faire quelque chose. Il dit fi mithli qawlihi ta'ala thumma istawa ila as-sama'. C'est-à-dire, donc, le verset dans Sourate Al-Baqarah dans lequel Allah Azzawajal a dit ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ, ça c'est dans le sens il a orienté sa volonté vers la création des cieux. Parce qu'après il est dit فَخَلَقَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, c'est-à-dire qu'il les a créés en sept cieux. Et là, donc, c'est dans le sens ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ, là ce n'est plus dans le sens s'élever. C'est dans le sens, il a orienté sa volonté vers la création des cieux, et il les a créés en sept cieux. Naam, Azza wa Jal. Wa l'istiqrar, et quant au terme istiwa, avec la connotation de l'établissement, il dit, fi qawlihi ta'ala, thumma tadhkuru ni'mata rabbikum, idha stawaytum alayhi. Ce verset-là, pour le comprendre, il faut lire le verset d'avant. Le verset d'avant, ça fait référence au fait qu'Allah aborde lorsque l'on monte sur nos montures, yani les embarcations, les montures, etc. Puis mentionnez le bienfait de votre Seigneur, idastawaytum alayhi. C'est-à-dire quand vous êtes monté sur votre monture, vous vous êtes établi sur elle, alors mentionnez yani le bienfait, la grâce de votre Seigneur. Donc ça c'est le sens de al-istiqra, l'établissement. Donc al-istiwa dans le Coran est venu avec ces trois connotations. La connotation de l'élévation, la connotation de la volonté, la connotation de l'établissement. S'établir sur quelque chose, Mathalem. Et quand on parle de l'élévation au-dessus du trône, ce qui est voulu, c'est donc l'élévation au-dessus du trône, et ceci est un attribut. Taïb, intabihu ya ikhwa. Soyez attentifs. On va aborder un taqsim qui est muhim, et des fawa'id qui sont muhim, jiddan. Les attributs d'Allah se divisent en deux. On peut les diviser en trois, mais on va garder le taqsim en deux, par souci de simplicité et de facilité d'assimilation. Donc, barakallahu fikum. Les attributs d'Allah sont de deux. Allah a des noms et a des attributs. Taïb. Et comme Cheikh Al-Uthaymeen l'a expliqué, yani bab al-asma awsa' min bab al-sifat, comme il a mentionné dans le Qawaid al-Muthla. Taïb. Les attributs d'Allah sont de deux. Donc, dans la première catégorie, c'est ce qui est une sifat dhatiya. La deuxième, c'est une sifat fi'liya. Taïb, quelle est la différence? Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, dans son explication de Aqidatut Tadmouriya de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, avait expliqué que donc, qu'est-ce qui distingue l'attribut d'essence et l'attribut d'action? L'attribut d'action est, lui, lié à sa volonté. L'attribut d'action est lié à sa volonté. Non. Donc, Allah, il a des attributs d'essence, c'est-à-dire des attributs qaima bi dhatillah. Il a des attributs inhérents à l'être d'Allah, qui sont indissociables de son être, qui sont éternels comme lui, d'une éternité sans début et d'une éternité sans fin. Par exemple, Allah, il est Al-Hayyul Qayyum. Donc, Al-Hayyul, c'est son nom qui est lié à l'attribut d'Al-Hayyatu. Il a l'attribut de la vie. C'est un attribut qui fait partie de lui, subhanahu wa ta'ala. Et cet attribut n'est pas lié à sa volonté. Tandis que dans les attributs d'action, par exemple, l'attribut de Al-Istiwa, ou l'attribut d'An-Nuzul, pour donner un autre exemple. Comme vous le savez, nous avons comme croyance que Allah descend dans le dernier tiers de chaque nuit, Naam, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, avant le Fajr, il descend d'une descente qui sied à sa majesté, qui n'est pas similaire à la descente de ses créatures, et il s'adresse à la création. Ça, c'est un attribut d'action. Et c'est lié donc à sa volonté. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Et pour ceux qui diraient, oui, mais vous dites qu'Allah est similaire à nous, non, non, non, non, on n'a pas dit ça. Celui qui te dit ça, tu dis, oui, mais tu vous êtes des anthropomorphistes. Tu lui poses la question, tu dis, Allah, il est vivant ou il est mort? C'est-à-dire, il est vivant. Tu fais, nous, on est vivant ou on est mort? C'est-à-dire, on est vivant. Donc, est-ce qu'on a une vie similaire à celle d'Allah? Tu dis, abadan. Il dit, il va te dire, yani, non, la vie d'Allah est différente de notre vie. Et donc, c'est là qu'elle s'applique la règle que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionnée dans Aqidatu Tadmouriyya. Al-kalamu fi sifat, kal-kalamu fi dhat. C'est-à-dire, ce que tu vas dire dans les sifat, ça va être la même chose que ce que tu vas dire concernant l'essence. Tout comme tu dis qu'Allah, il est une entité qui est différente de nous, il a des attributs d'essence qui sont différents de nous, il a une vie qui est différente de la nôtre, ses attributs d'action sont similaires dans cet aspect-là, dans le sens où ils sont distincts des nôtres. Allah n'est pas comme nous. Dans son existence, subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas comme nous dans ses actes. Taïb. Donc, al kalam fi sifat, al kalam fi dhat. Comme a dit le cheikh l'islam Taymiyyah fi tadmouriyya. Taïb. Donc, cheikh Ubayd al-Jabri, il dit, hal hiya dhatiyatun ou fi'liya. Donc, maintenant, je vous pose la question. Faites un, si c'est un attribut d'essence. Faites deux, si c'est un attribut d'action. Al-istiwa. C'est un attribut d'essence ou un attribut d'action? Levez la main en faisant 1 si c'est un attribut d'essence ou 2 c'est un attribut d'action. Un attribut d'action, Arsentum. Arsentum Djamira. Cheikh Ubayd al-Jabri, il dit Fi'aliyya. C'est un attribut d'action. Liannahu qala thumma stawa. Du fait qu'il ait dit, puis il s'est élevé. Le fait qu'il y ait le puis, ça veut dire donc Ya'ni khalaqa samawati wal ard. Allah a créé les cieux et la terre. Thumma stawa. Ya'ni fahiya sifatun fi'aliyya. Donc ça, c'est le deuxième élément qui sert d'argument. Taïb, j'ouvre ici une parenthèse sur le sujet des asma wa sifat. Notre cher Cheikh Khaled al-Dhafiri, lorsqu'il a enseigné Al-Ha'iyya, a donné trois principes fondamentaux et a mentionné cinq dangers dans le sujet des attributs d'Allah. Les trois principes à appliquer, le premier, c'est l'ithbat. Les gens de la sunna affirme ce qu'Allah a affirmé pour lui-même à travers le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que lorsqu'Allah, dans le Coran, il s'affirme pour lui-même des noms, Naam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, par exemple, ce sont des noms qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, Al-Hayyul Qayyum, on les affirme. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme des noms à Allah, on les affirme. Comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Anta al-awwalu laysa qablaka shay, wa anta al-akhiru laysa ba'daka shay, wa anta al-zahiru laysa fawqaka shay, wa anta al-batinu laysa dunaka shay. Donc, l'awwal, l'akhir, l'zahir, l'batin, ce sont des noms qui sont venus dans la sunna. Et comme vous le savez, Allah a 99 noms, que nous connaissons, pardon. Non. Et Cheikhouna Cheikh Khalid al-Dhafiri a expliqué que le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que quiconque les énumère rentrera au paradis, il avait expliqué qu'il y avait trois étapes pour la concrétisation de ce hadith. La première étape, c'est mémoriser les 99 noms d'Allah. La deuxième étape, c'est d'étudier les noms d'Allah. Donc, comprendre l'essence. La troisième étape, c'est d'œuvrer en conformité avec ce que les noms d'Allah impliquent. Comme Cheikh Khalid al-Dhafiri l'a mentionné dans l'Ummat al-I'tiqad, dans son explication de l'Ummat al-I'tiqad d'Ibn Qudama, il avait dit que Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim avait dit que chaque nom d'Allah a une dévotion religieuse qui lui est relative. Par exemple, le fait que tu sais qu'Allah il te voit et t'entend, il est Sami' al-Basir, ça va impliquer que dans ta vie tu agisses en ayant cela à l'esprit. Donc, tous les noms qu'Allah s'est affirmés dans le Coran et dans la Sunna, on les affirme. Et tous les attributs qu'Allah s'est affirmés pour lui-même dans le Coran ou à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, on les affirme. Ça, c'est le premier principe, l'ithbat. Le deuxième principe, c'est an-nafyu, le fait de nier. Il y a des choses qu'Allah a niées. Par exemple, dans le Coran al-Karim, Allah a dit, lam yalid wa lam yulad. Il a nié le fait d'avoir une ascendance et d'avoir une descendance. Il n'a pas de parents, il n'a pas d'enfants. Ce sont des choses qu'Allah il a niées. Ou bien le fait qu'Allah il ait nié le fait d'être qu'il puisse être affecté par la somnolence ou le sommeil. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nulle somnolence ni nul sommeil ne le saisissent. Ou bien le fait qu'Allah il ait nié le fait qu'il puisse être injuste. Il ait nié la justice pour lui-même. C'est-à-dire le fait qu'il n'est pas injuste. Fa'ida, notre cheikh Khalid al-Dhafiri a expliqué que lorsque l'on nie un défaut, un manquement, quelque chose comme ça à Allah, ça implique l'affirmation de la perfection de son antagoniste. C'est-à-dire que quand tu dis qu'Allah n'est pas injuste, ça veut dire que tu affirmes la perfection de la justice d'Allah. Donc quand tu nies quelque chose par rapport à Allah, tu affirmes la perfection de son opposé. Taïm. Donc ça, c'est le deuxième principe. An-nafyu. Donc tu affirmes ce qu'Allah et son messager ont affirmé. Tu nies comme Allah et son messager ont nié des choses vis-à-vis d'Allah. Troisièmement, le fait de renoncer au fait de savoir comment sont les attributs. Pourquoi? Parce que pour savoir comment est une chose, il y a trois procédés. Soit tu vois quelque chose, tu vois cette chose en elle-même. Soit tu vois quelque chose qui lui est similaire. Soit quelqu'un te décrit le comment de cette chose. Or, concernant le comment des attributs, aucune de ces voies-là ne nous est parvenue. On ne sait pas comment sont les attributs d'Allah. On n'a pas vu quelque chose qui serait similaire aux attributs d'Allah. Parce qu'Allah n'a pas de similitude avec ses créatures. Et troisièmement, le fait que quelqu'un nous décrive le comment des attributs d'Allah, ça n'est pas venu. On a eu dans le Coran et dans la Sunna la mention des attributs d'Allah, mais pas le comment des attributs. Taïb. Ça, c'est les trois principes importants. Maintenant, il y a quatre grands dangers qui sont regroupés dans un cinquième, qui est l'ilhad. Mais on va aborder les quatre grands dangers. Soyez attentifs à ce que je vous donne, parce que ce que je vous donne, c'est des joyaux. Peut-être que certains d'entre vous ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ce que je vous donne, c'est des joyaux. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui les donne. C'est des joyaux que j'ai pris de mes mâchères. Donc, barakallahu fikum, parmi les quatre grands dangers dans le sujet des noms et des attributs, premièrement, at-ta'til, le fait de nier. Cheikh al-Fawzan, il a expliqué at-ta'til an-nafyu, comme il a expliqué dans son explication de Fatwa al-Hamawiyya d'Ibn Taymiyyah. Donc, la négation des textes. Et le ta'til, il est de deux. Le ta'til, il est de deux. Le ta'til kulli ou le ta'til al-juz'i. La négation totale et la négation partielle. Il y a des gens, ils ont nié tout. Par exemple, les Jahmites, les Jahmiyyah, ils ont nié les noms et les attributs. Bil kulli, dans leur entièreté. Et le ta'til et le kulli, pardon, le juz'i, excusez-moi, la négation partielle, c'est similaire à la négation des Mu'tazilites. Les Mu'tazilites ont affirmé les noms, mais ils ont renié les attributs. Donc, Allah, ils ont dit qu'il est savant, mais il n'a pas sans science. Il est le tout miséricordieux sans miséricorde. Il est l'audient, mais sans ouïe. Il a akhir. Ça, c'est un égarement sévère. Donc ça c'est at-ta'til, la négation. Le deuxième grand danger, at-tahrif. At-tahrif dans le ma'na at-taghyir, c'est-à-dire l'altération. Et le tahrif, il est de deux. On pourrait le catégoriser en quatre, mais on va garder un taxim en deux pour vous simplifier l'approche et l'assimilation de ce concept. Inch'Allah ta'ala. Donc le tahrif al-lafzi ou le tahrif al-ma'nawi. Tahrif al-lafzi, qu'est-ce que c'est? C'est l'altération dans les sens, dans les textes, excusez-moi. Par exemple, un Jahmi avait dit, parmi un adepte de la voie de Jahmi ibn Safwan, parmi les égarés, avait dit, j'aurais voulu enlever du mushaf le verset Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Pourquoi? Parce qu'il contredit son dogme. Il aurait voulu l'enlever du mushaf. Un autre exemple d'altération dans les formulations, le fait qu'Allah Azzajal a dit « Wa kallama Allahu Musa taklima » et Allah s'est adressé à Moussa de façon claire, de façon distinctive. Là, quand on dit le verset avec la bonne récitation « Wa kallama Allahu » c'est qui fait l'action de parler? C'est Allah. Eux, parmi les gens de l'innovation, il y en a, ils ont prétendu que c'était « Wa kallama Allaha » « Wa kallama Allaha » Là, ça voudrait dire « Wa kallama Allaha Musa taklima » Ils ont changé le « Allahu » en « Allaha » La version qui est correcte, c'est Allahu, c'est Allah qui fait l'action de parler. La version qu'ils ont avec l'altération, Allah, ça veut dire que c'est Allah à qui on adressait la parole. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils veulent renier le fait qu'Allah parle. Donc ça, c'est l'altération dans les formulations. Donc c'est le tahrif al-lafzi. Deuxième type de tahrif, le tahrif al-ma'nawi. Tahrif dans le ma'na. C'est-à-dire ils laissent le texte tel quel, mais ils altèrent son interprétation, c'est-à-dire son sens. Donc ceux qui vont dire, par exemple, comme istawa, ils vont dire non, c'est dans le ma'na istawla. La conquête, le fait de s'accaparer quelque chose. De dominer quelque chose, de s'accaparer quelque chose. Ça, c'est un procédé parmi les procédés d'Ahl Bida. Donc on a vu at-ta'til, la négation. At-tahrif, l'altération. Ensuite, at-tamthil, le fait d'établir entre Allah et ses créatures des similitudes. Après, le tafsil concernant le farq bain at-tamthil wa at-tashbih, ça on le verra plus tard, inshallah. Non. Donc le fait que Allah Azzawajal est mentionné dans le Coran, une preuve qui réfute les sectaires. Cheikhuna Cheikh Khalid Adhafiri a expliqué, et ça il l'avait expliqué lorsqu'il avait clarifié les caractéristiques des gens d'innovation. Cheikhuna Cheikh Khalid a expliqué que les gens d'innovation, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne mentionnent pas tous les textes. Ils cachent les textes. Ils cachent les textes qui sont contre eux. Tandis que les gens de la Sunna mentionnent tous les textes. Ce qui est en leur faveur ou ce qui pourrait être en leur défaveur. Ils sont justes. Et justement, concernant un verset qui est important, le verset de Surat Shura, le verset 11, Allah Azza wa Jalla dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ». Ce verset-là réfute deux groupes, notamment. On peut s'en servir pour la réfutation de deux groupes. Ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui attribuent des similitudes entre, qui affirment des similitudes entre Allah et ses créatures. C'est-à-dire, laysa kamithlihi shay. Ça, c'est pour ceux qui établiraient entre Allah et ses créatures des similitudes. Laysa kamithlihi shay. Ils sont réfutés par cette partie du verset. On les réfute avec ce verset-là. Rien ne lui est similaire. Donc ça, pour celui qui établirait des similitudes entre Allah et sa création, on lui dit non. On dit Allah n'est pas similaire à sa création. Concernant le commun de ses attributs. Ensuite, wa huwa as-sami' al-basir, ça c'est une réfutation concernant ceux qui nient ses attributs. Car Allah a affirmé pour lui as-sam' al-basar à travers l'affirmation de ses noms. Car de tout nom découle un attribut. Et l'attribut d'as-sam', le nom as-sami' est lié à l'attribut d'as-sam', qui est adraku al-masmu'at, c'est-à-dire le fait de percevoir les sons, les choses qui sont audibles. Wa al-basir, le nom al-basir est lié à sifat al-basar, l'attribut de la vue, qui est idrak al-mar'iyat, le fait de percevoir les choses visibles. Taïb. Et justement, les gens de l'innovation, les mu'attila, les gens comme les jahmites, qui veulent à tout prix nier tous les noms et les attributs, eux, ils mentionnent que le début du verset. Ils veulent essayer de rejeter tous les noms et les attributs en essayant d'utiliser cette partie du verset, uniquement. Mais ils ne mentionnent pas la suite. Et inversement, ceux qui établissent des similitudes entre Allah et sa création, ils vont essayer de mentionner que la fin du verset. Mais ils ne mentionnent pas le début du verset. Tandis que Ahlus Sunnah, ils mentionnent les deux. Laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir. On a vu at-ta'til, la négation. On a vu at-tahrif, l'altération. On a vu at-tamthil, le fait d'assimiler entre Allah et ses créatures des similitudes, dans le commun de ses attributs notamment, par exemple. Le quatrième grand danger qu'Allah nous en préserve, c'est at-takif. Il y en a un sual anil kayf. C'est-à-dire an-kayfiyati sifatillahi azza wa jalla. Le fait de questionner concernant le commun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il y a une anecdote que vous connaissez tous concernant l'imam Malik, l'imam Abu Abdillah, Malik ibn Anas, rahimahullah, qui est un des imams de la Sunna, qui est mort en 79 de l'Hijr, rahimahullah. Pour la fa'ida, l'imam Abu Hanifa est mort en 150. L'imam Malik est mort en 179. L'imam Shafi'i est mort en 204. L'imam Ahmed est mort en 241. Ça, c'est par rapport aux imams des Madahib al-Arba. Taïb. Donc l'imam Malik, comme il est venu dans des narrations avec de multiples formulations et de multiples versions, un homme est venu à lui et lui a dit « Ya Abba Abdillah », c'est la kunya de l'imam Malik. Pour la fa'ida, Abu Hanifa, c'est sa kunya. Et son nom, c'est An-Nu'man ibn Thabit. Tandis que l'imam Malik, sa kunya, c'est Abu Abdillah. L'imam al-Shafi'i, sa kunya, c'est Abu Abdillah. Il est Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Et la kunya de l'imam Ahmed, c'est Abu Abdillah également. Na'am, rahimahumullah. Donc un homme s'est adressé à l'imam Malik en lui disant Ya Aba Abdillah, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Il lui mentionne le verset de Surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Kayf istawa. Donc il a demandé concernant le comment. L'imam Malik a répondu avec quatre réponses, quatre éléments de réponse. Ces quatre éléments, Cheikh Al-Fawzan, dans son explication de Muqaddimah ibn Bisir al-Qalawani, avait dit que ces quatre éléments, on les applique sur l'ensemble des attributs. Lesquels sont-ils? Il a dit Al-Istiwa Ma'loum, ou dans une version, Ghayru Majhoul. C'est-à-dire qu'il est connu. Il est connu dans le sens apparent de la langue arabe. C'est-à-dire qu'Al-Istiwa, dans le verset Ar-Rahman al-Arsh Istawa, Al-Arsh Istawa, c'est le sens de l'élévation. Ala wa artafa. Wal kayf ghayru ma'qul. Et concernant le comment de son élévation au-dessus du trône, le comment de cet acte nous est inconnu. C'est-à-dire que dans le sens, les intellects ne le perçoivent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un comment aux attributs d'Allah. Les attributs d'Allah ont un comment. Les actes d'Allah ont un comment. Mais le comment nous est inconnu. C'est Allah qui le connaît. Ça, c'est le tafouid de Ahlul Sunnah. Le fait de renvoyer la connaissance du comment à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïm. Ensuite, il a dit وَالْإِمَانُ بِهِ wajib. La foi dans l'istiwa est une foi qui est obligatoire. وَالْسُؤَالُ عَنْهُ بِدَعَهُ. Et le fait de questionner concernant le comment de l'istiwa est une innovation. Donc, si, comment on adapte ces quatre lignes directrices vis-à-vis des autres attributs? Par exemple, si Fatun Nuzul, si tu affirmes qu'Allah il descend, Allah Azzawajal a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le plus savant des hommes concernant son Seigneur. Et il a dit Yanzilu Rabbuna. Il a dit notre Seigneur tabaraka wa ta'ala descend. Et c'est la Aqidah d'Ahlul Sunnah, comme on le retrouve dans les Mutun de Aqidah. Si quelqu'un te dit, non mais c'est quoi votre position sur l'istiwa? Nous on dit, par rapport à Nuzul, pardon, on dira Nuzul, ma'loum, il est connu. C'est le sens de la descente. Walkef, ghayru ma'qul. Et le comment de la descente d'Allah n'est pas perceptible par nos intellects. On ne le connaît pas. Wal-imanu bihi wajib. Et le fait d'y croire est une obligation. Wa-su'alu anhu bid'ah. Le fait de demander, de questionner concernant le comment de la descente d'Allah est une innovation. Et tu appliques ça dans les autres attributs. Donc ça, ce sont des lignes directrices, il y en a importantes. Je reviens aux explications de Cheikh Ubayd al-Jabr. Donc après avoir fait cette modeste parenthèse sur les noms et les attributs, donc Cheikh Ubayd al-Jabr dit « Al-Thalith, yurshi al-layl al-nahar » Donc il fait que la nuit et le jour se recouvrent mutuellement, c'est-à-dire que la nuit recouvre le jour recouvre la nuit. Wa fi ayatin ukhra tuliju al-layla fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-layl. C'est-à-dire que la nuit pénètre le jour et le jour pénètre la nuit. Ça fait référence au cycle des jours et des nuits. Donc Cheikh Ubayd al-Jabri, après avoir mentionné ces passages du Coran al-Karim, dit al-laylu yurshi an-nahar fa tasiru ad-dunya mudlima. C'est-à-dire que donc la nuit couvre le jour et donc la dunya devient ténébreuse, elle est couverte de ténèbres. C'est-à-dire qu'il y avait le jour, il y a la nuit qui arrive, la nuit couvre la dunya et donc dans les dunya règnent alors les ténèbres. Ensuite, wa yurshi al-layl wa an-naharu yurshi al-layla fa tasiru ad-dunya munira. Et donc ensuite le jour arrive et il couvre cette dunya, il couvre la nuit et donc du coup la dunya devient illuminée de par la lumière du soleil. هذا دليل الثالث. Ça c'est le troisième argument, la troisième preuve. الرابع يطلبه حثيثا سريعا كل واحد يطلب الآخر فالليل لا يدرك النهار والنهار لا يدرك الليل. C'est-à-dire qu'ils se poursuivent, ils se pourchassent, ils se succèdent rapidement, et là il y en a chacun essayant de rattraper l'autre. Et الليل لا يدرك النهار. Et la nuit ne rattrape pas le jour et le jour ne rattrape pas la nuit. Ils se succèdent. Ils s'enchaînent. Wa dalil al-khamis, la cinquième preuve. Wa shamsa wal qamara wan nujum musakharatin bi amri. Et le soleil, la lune et les étoiles sont assujettis, c'est-à-dire soumis à son ordre. عرفنا بعض الحكم من الشمس والقمر. Cheikh Obeid Al-Jabari avait mentionné certaines sagesses relatives au soleil et à la lune. C'est-à-dire que comme on avait vu que par exemple le soleil c'était utile pour la lune et le soleil avaient des impacts sur les plantes. On avait parlé de la photosynthèse par rapport au soleil. Et par rapport à la lune, par exemple, le fait que la lune elle avait un impact sur les marées, là, par rapport aux marées, etc. Donc on avait vu certaines sagesses relatives à ces astres-là. Mais il dit, lakin al-nujum, cependant les étoiles. لأي شيء خلقها الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire, pour quelle raison, pourquoi Allah a créé les étoiles? Donc il y a trois raisons. Il y a trois raisons pour lesquelles Allah Azzajal a créé les étoiles. Il dit, علامات يهتدى بها. C'est-à-dire que les étoiles sont des signes, des repères dans le ciel par lesquels on se guide. Il y a des repères, il y en a dans l'espace. Il y a des gens, ils savent se repérer. Ils savent où aller, dans quelle direction, nord, sud, est, ouest, en regardant les étoiles. Non? Ensuite, deuxième sagesse relative à la création des étoiles, zi wa zinatun li sama, en tant que parure pour les cieux, c'est-à-dire un embellissement. Allah le mentionne dans Sourate Al-Mulk notamment. Wa laqad zayyana sama ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha, et après il mentionne la troisième sagesse, wa ja'alnaha rujuman li shayatin. Donc nous avons embelli le ciel par des lampes, c'est-à-dire les étoiles. Et nous en avons fait des projectiles pour lapider les démons. Donc, il y a des warujuman li shayatin. Ce sont des projectiles pour lapider les démons. Taïe. Fa'ida. Ça, c'est une fa'ida que je rajoute. Cheikh al-Islam al-Qayyim, rahimahullah, a mentionné que ces trois fonctions qu'occupent les étoiles, ce sont les fonctions des ulémas. C'est-à-dire, les étoiles, c'est des repères dans le ciel. Les ulémas, c'est des repères dans cette dunya. C'est-à-dire, les gens se guident dans les ténèbres de la nuit, par les étoiles, pour se repérer. Mais dans son cheminement religieux, comment tu fais pour savoir où est le bon chemin, le droit chemin, etc., pour être orienté? Tu reviens aux ulémas. Donc ce sont des repères, des gens qui te guident, yani, lorsque tu es perdu dans cette dunya. Deuxièmement, les ulémas sont un embellissement pour cette dunya, une parure pour ce bas monde. Non. Et vous verrez, subhanallah, qu'Allah vous facilite l'étude avec les ulémas, que lorsqu'un savant vit dans une localité, cette localité, elle change. Subhanallah. Par la revivification du Coran et des enseignements du Coran et de la Sunna. Vous voyez que cet endroit, il prend vie. Il prend vie, subhanallah, bi'idhnillahi azawajal. Prend vie par la Sunna, al-tawhid wa Sunna. Et par la mort du shirk et de la bid'ah. Wa rujuman li shayatin, donc les étoiles sont des projectiles par lesquels on lapide les démons. Et il en est de même des ulémas. Et même les ulémas, dans cet aspect, sont plus performants, entre guillemets, que les étoiles. Parce que les ulémas réfutent, lapident avec les preuves du Coran et de la Sunna, ils lapident les shayatin parmi les êtres humains et les djinns. Non. Ensuite, concernant le verset, dans la suite de ce verset qu'on aborde ensemble, donc à lui appartiennent, c'est-à-dire à Allah appartient al-khalq, la création, ou al-amr, le commandement. Cette partie de ce verset du Coran fut l'argument par lequel l'imam Ahmed a réfuté les mu'tazilites lorsqu'ils essayaient de faire croire que le Coran était créé. Le Coran fait partie de sa parole. Et donc ça fait al-amr, le commandement, ça fait partie de la parole d'Allah. Et or Allah a distingué entre sa création et son commandement. Ce qui prouve que la parole d'Allah n'est pas créée. Parce qu'il a dit, Ala lahul khalqu wal amru. À lui appartient la création et le commandement. Donc, ça, c'est une réfutation que l'imam Ahmed avait fait lorsqu'il réfutait les Mu'tazilites. Taïb. Concernant l'explication de lahul khalq, Cheikh Ubayd al-Jabari dit, lahul khalq, la yusharikuhu fihi ahad, huwa al-maliku laha. Excusez-moi. Donc, à lui appartient la création. C'est-à-dire que nul n'a de part dans la possession de la création. La création dans son entièreté lui appartient exclusivement. Il en est le détenteur total et absolu. Wallahu al-amr. Et à lui appartient le commandement. Al-amr, le commandement, c'est-à-dire l'ordre, qadaran wa shar'an. Dans un point de vue de la prédestination, dans un point de vue de la législation. Il dit al-amr al-qadari wa al-amr al-shar'i. L'ordre d'Allah concernant sa prédestination et concernant sa législation. Qu'est-ce qui est voulu par ce terme-là? Il dit فالأمر الشرعي والتكليف والرسالات. Donc quand on parle de l'ordre relatif à sa législation, c'est-à-dire concernant التكليف, c'est-à-dire les ordres, les obligations qu'Allah a établies, wa risalat, et les messages qu'il a transmis à ses messagers. Donc, at-taklif, c'est les responsabilités vis-à-vis des ordres que l'on doit respecter, des interdits dont on doit s'écarter. Taïb. Wal-amr al-qadari, et concernant l'ordre d'Allah vis-à-vis du qadar, concernant la prédestinée, c'est-à-dire qadaruhu wa qadaruhu fil kawn. Ça fait référence à sa prédestination et son décret dans qui est relatif à sa création. Et ça, on le verra un peu plus en détail lorsqu'on abordera yani arkan al-iman al-sitt. Yani les six piliers de la foi, justement, on abordera justement le sujet de al-qada ou al-qadar. Et la différence qu'il y a entre le mot qada et le mot qadar et le sujet du qadar, le sujet de la prédestination. Non, concernant le destin. قوله جل ذكره تبارك الله رب العالمين أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بهذه الجملة. Par cette phrase, Allah عز وجل a fait ses propres éloges. تبارك الله, c'est-à-dire dans le sens que Allah soit glorifié de par sa perfection. De par sa perfection, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah soit glorifié. Non. رب العالمين, le Seigneur des mondes. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabali a expliqué al-baraka, le mot que l'on traduit souvent par bénédiction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire al-baraka? Il dit al-barakatu fil lugha, dans le sens de la linguistique. Il dit al-ziyada, c'est-à-dire l'augmentation. Ziyadatu shay wa nama'uhu. Ça renvoie donc dans la linguistique à l'augmentation d'une chose et à sa croissance. Wa tabarakallah, et quand on dit tabarakallah, kamula subhanahu wa ta'ala haza al-kamala kullahu min jami' al-wujuh. Ça fait référence au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans tous les sens, dans tous les aspects possibles, tous les angles de considération possibles. Wa hadhihi al-kalima tabarak la ta'ti illa bil lafdh al-madi. Et cette formulation tabarak n'est utilisée que à sa forme passée, c'est-à-dire dans la forme yani au passé. Wa la tustamal illa fi haqqillah. Et on dit cela que par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas dire par rapport à quelqu'un tabarak par rapport à un individu. Ça c'est interdit. On ne dit ça que pour Allah, tabarak Allah. Par contre, pour un individu, on peut dire Allahumma barak. Naam, ou barak Allahu fi, ou barak Allahu fik, ou barak Allahu la, etc. Et ça, on va le voir justement. Donc, dans la page suivante, Cheikh Ubayd al-Jabri dit Wa hal yud'a bil barakati lil insan wa kayfa dhalik. Cheikh Ubayd al-Jabri dit est-ce qu'on peut invoquer afin que la baraka soit accordée à quelqu'un? Et si ceci est permis, comment on fait? C'est-à-dire, comment, de quelle manière on procède? Il dit, فالجواب الدعاء بالبركة للإنسان جائز. Le fait d'invoquer en faveur de quelqu'un pour qu'il ait la baraka, pour qu'il ait le khair, le bien en abondance, ceci est permis. والكيفيه هكذا. Et la manière de faire est celle qui suit. Il dit, tu dis, بارك الله لك. C'est-à-dire qu'Allah te le bénisse, te bénisse telle chose. أو بارك عليك. نعم. وهذا الأمر مبارك. Et donc le fait, et ainsi en agissant ainsi, cette chose là sera bénie. Taïb. Et le fait que quand on dit quelqu'un yani il est mubarak, quand on fait référence à quelqu'un qu'il est mubarak, quel est le sens de ça? Allah Azza wa Jalla a rapporté ce que son prophète et messager Isa alayhi salam a dit concernant le fait qu'Allah a fait de lui quelqu'un qui est béni où qu'il soit. Wa ja'alani mubarakan inma kunt. Si vous regardez les tafassirs des salaf, comme l'imam Sofiane al-Thawri ou l'imam Mujahid, ils avaient mentionné, rahimahumullah, que parmi les tafassirs qui existent, c'est le fait que c'est nafa'an, qu'il a fait de moi quelqu'un qui est très utile aux gens. Et dans une autre interprétation, mu'alliman, c'est-à-dire qui enseigne aux gens le khair. Et Cheikh al-Allama Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari avait dit que le fait d'enseigner aux gens le bien, ça rentrait dans le fait de leur être utile. Donc quelqu'un qu'on dit qu'il est mubarak, ça va être en faisant référence à quelqu'un qui est utile ou qu'il aille, ou qui enseigne le bien ou qu'il aille. Est-ce que maintenant, pose-toi la question, mon frère. Est-ce que tu es quelqu'un qui est comme ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui a concrétisé cette chose-là dans ta vie? Est-ce que là où tu es utile, ou est-ce que là où tu es, tu portes préjudice? C'est important de se remettre en question. Taïb. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une autre faïda que je vous mentionne, d'un des ulama auprès duquel j'étudie en Égypte, lorsqu'il nous avait enseigné Kalimat Tayyib, il avait mentionné le terme du fait d'invoquer pour que Allah accorde la baraka à quelqu'un. C'est un moyen de repousser l'ayn, le mauvais œil. Car le ayn, le mauvais œil, est de deux. Il y a le mauvais œil qui vient de l'envieux, et il y a le mauvais œil de celui qui est époustouflé. L'envieux, c'est-à-dire celui qui t'envie, qui en est le hasid, C'est-à-dire quelqu'un qui t'envie, il te jalouse d'une façon maladive. Et lui, s'il ne demande pas la baraka en ta faveur, il se peut qu'il te mette le mauvais œil et que ça t'affecte toi physiquement, ou que ça affecte quelque chose que tu possèdes, comme une monture par exemple. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mauvais œil, c'est ce qui fait que l'homme va finir dans la tombe et que la chamelle finit dans la marmite. C'est-à-dire que c'est une cause de mort. L'ayn, le mauvais œil, c'est quelque chose qui est réel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ayn ou haqq. C'est quelque chose de réel. Et la deuxième catégorie de mauvais œil, c'est le mauvais œil de celui qui est époustouflé. C'est-à-dire que par exemple, toi, tu regardes ta femme. Elle est splendide, comme d'habitude. Toujours. D'ailleurs, mais elle a mis un maquillage différent de d'habitude. Elle est encore plus splendide que d'habitude. Non, mais c'est possible. Et donc, du coup, toi, tu es époustouflé par elle, mais tu ne dis pas Allahumma barak. Tu peux lui mettre le mauvais œil, involontairement. Et donc justement, il y a eu un hadith que Cheikh l'Islam m'était mis à rapporter, si ma mémoire ne me fait pas défaut, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une recommandation. Il y avait un sahabi qui avait une très belle peau. Et un autre sahabi a été impressionné par sa peau, par la beauté de sa peau. Et il lui a dit, Yani, ta peau est comme la peau des vierges, c'est-à-dire une peau très blanche, très jolie, très belle peau. Parce que les vierges, à la base, ne sortaient pas. Elles restaient recluses dans leurs appartements. Les femmes musulmanes de notre époque, à part celles à qui Allah fait miséricorde, sont loin d'être dans cet exemple. Wallahu musta'an. Et donc justement, lorsqu'il a complimenté ce sahabi, il n'a pas demandé la baraka en sa faveur. Le sahabi qui était d'une belle peau a perdu conscience. Il est tombé. Il a perdu conscience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce hadith, suite à cette anecdote-là, si l'un d'entre vous voit chez son frère ce qui lui plaît, falyubarikhu. C'est-à-dire qu'il invoque afin que lui soit accordé la baraka. Donc si tu vois quelque chose qui te plaît chez ton frère, il a de la science, ou il est beau, ou il a un vêtement qui est beau, il invoque afin que la baraka lui soit accordée, afin que tu ne lui mettes pas le mauvais œil. Donc dis Allahumma barak. Non. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre l'habitude de faire. Même par exemple dans des affaires relatives aux zawaj. Par exemple, lorsque quelqu'un se marie, il y a des gens qui disent mabrouk. Et on va voir que chez Ubayd al-Jabr, il dit cette ibara, elle est khati'a. C'est le khata, c'est une erreur. Ce qui est légiféré, c'est de dire quoi? Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakum fi khair. Et ça, c'est important. Invoquer Allah Azzawajal afin qu'Allah accorde la baraka à nos frères, en eux-mêmes, dans leurs biens, dans leurs richesses, dans leurs familles, dans leurs enfants, c'est quelque chose d'important. Non. Donc, Cheikh Ahmed al-Jabri, il dit. Donc, il dit, وَاللَّفْظَةُ الشَّائِعَةُ بَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ. Donc, il y a une formulation que les gens utilisent, qui est répandue chez les gens, وَهِيَ مَبْرُوكَ عَلَى فُلَانَ كَذَا. Ils disent, les gens, quand ils parlent de quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il a obtenu, quelque chose qui lui est relatif, au lieu de dire, اللهم بارك فيه ou اللهم بارك له, ils disent, مَبْرُوكَ. Et le terme مَبْرُوكَ, ça renvoie à la notion de بُرُوكَ. Et بُرُوكَ, ça a une origine linguistique qui est différente de البركة. Parce que le bourouk, c'est le fait que c'est l'expression, c'est une racine qui renvoie au fait de s'asseoir. Par exemple, le bourouk, c'est un terme qu'on utilise pour désigner quand le chameau il se met par terre. Donc c'est une erreur linguistique, le fait que les gens ils disent mabrouk. Donc ils disent mabrouk à la foulaine. Ils disent khati'a, c'est une erreur. Wa mukhalafatun lil-isti'mal as-sahih lughatan. Ils disent donc c'est une opposition, le fait de dire mabrouk dans des expressions qu'on utilise par rapport aux gens. Ils disent c'est une opposition à l'utilisation correcte des termes dans un point de vue linguistique. فَمَبْرُوكْ فِيَلُهَا بَرَكَةً. Car le verbe du terme مَبْرُوكْ, son verbe c'est بَرَكَةً. Tandis que أَمَبُوبَارَكْ, tandis que le mot مُبَارَكْ, son verbe c'est بَرَكَةً. فَلَا تَسْتَعْمِلُوا مَبْرُوكْ. Donc n'utilisez pas l'expression مَبْرُوكْ. إِسْتَعْمِلُوا مُبَارَكًا. Donc dites مُبَارَكْ. أَمَا فِيَلُ مَبْرُوكْ فَهُوَ بَرَكَةً. Tandis que le verbe du terme relatif au terme مَبْرُوكْ c'est بَرَكَةً. Il dit, والعامة, et les gens de la masse, لا يريدون بقولهم مبروك عليه, أي بورك عليه. لا يريدون بقولهم مبروك عليه, أي بورك عليه. لكن خطأ في التعبير. Donc en fait, les gens, lorsqu'ils disent مبروك عليه, ils ne veulent pas faire référence au fait que quelque chose soit sur lui, soit assis sur lui, etc. Mais c'est ce qu'ils veulent, en fait, c'est autre chose. Mais ils se trompent dans la formulation, dans la manière avec laquelle ils s'expriment. Il dit, فهم يريدون الدعاء له بالبركة. Lorsqu'ils disent مبروك, ils font une erreur dans la linguistique, ils disent quelque chose qui n'est pas correct. Mais ce qu'ils veulent en fait demander, c'est que la baraka, la bénédiction, le khair, soit accordée à un individu. Et là, يريدون الدعاء عليه بالبروك. Il ne demande pas à ce qu'un bourouk survienne sur lui. Le fait que quelque chose, un lit, ça soit sur lui. La yuriduna hada abadan. C'est pas ça leur objectif dans ce qu'ils disent. Lakin at-ta'bir khata. Cependant, l'expression qu'ils ont utilisée est une expression erronée. Elle n'est pas appropriée. Fayuqal, donc ce qui doit être dit, barakallahu alayk. Tu dis ça pour ton frère. Hada alayhi mubarak. An-najah mubarak. Par exemple, quelqu'un qui a eu le succès, il a réussi un examen, مثلاً, an-najah mubarak. Az-zawaj mubarak. مثلاً. Yani par rapport à un mariage. Inch'Allah. Amma az-zawaj mabrouk. Et quant au fait d'utiliser le terme mabrouk par rapport à zawaj, ou an-najah mabrouk, fa khata'un lima qadamna. C'est une erreur de par ce que nous avons avancé comme élément précédemment à ce sujet. Ensuite, donc, Rabbul Alamin, la partie du verset qui dit Rabbul Alamin, il dit Subhanahu wa ta'ala, fala yakhruju an rububiyyatihi shay'un min khalqi. Yani rien de parmi ses créatures ne sort de sa seigneurie. C'est-à-dire que tout est assujetti à sa seigneurie, Subhanahu wa ta'ala. Il est le Seigneur, le Créateur et celui qui contrôle et gère l'ensemble de sa création, et rien n'échappe à cela. Parmi ces créatures. Taïb, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'après, justement, il y a le verset que je voulais, à propos duquel j'ai fait une introduction au début, et le tafsil est un peu long. Inch'Allah, on va poursuivre, Inch'Allah, dans l'assise de la semaine prochaine. Et dans deux jours, bi'idhnillah, mercredi, nous aurons notre assise, bi'idhnillah, sur Amdatul Fiqh. Sur Amdatul Fiqh, dans il y a un cours dans lequel nous aborderons les explications de Cheikh Ubayd al-Jabali, rahimahullah, quant à la compréhension des ahkam relatifs à la purification de Amdatul Fiqh de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, incha'Allah ta'ala. Et si donc certains d'entre vous ont des questions, posez vos questions à travers le chat de la radio pour ceux qui nous écoutent à la radio. Hada wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.